la seule existence que la vie m'a donnée, de t'aimer en silence, sans pouvoir te toucher. En absence dans le temps, j'écrirai ton passé et je donnerai un sens à toutes ces années. Mais je trouverai les vents, j'ouvrirai les espaces-temps. Un jour tu seras là devant. Dans mes mains l'espérance, sans vouloir continuer. Dans mon corps l'insouciance de se voir diminuer. Dans mes yeux la violence des images gravées à jamais dans le temps. Pour le reste des années, mais je trouverai les vents, j'ouvrirai les océans. Un jour tu seras là devant. Je dois vivre autrement, sans pouvoir l'accepter. Et cette longue vie d'absence que je dois assumer. Mais la seule délivrance que la vie peut donner est un peu d'importance pour toutes celles que vous aimez. Mais je trouverai les vents, j'ouvrirai les espaces-temps. Un jour tu seras là. Dans mon cœur tout s'assemble, du bonheur à donner. Dans mon âme la confiance, un jour d'être aimé. Mais je trouverai les vents, j'ouvrirai les océans. Un jour tu seras là devant. Un jour tu seras là devant. Un jour tu seras là devant.